Amen. Nous invitons le pasteur Jean-Pierre pour la parole. Caribou. Semana mile o bwana Yesu sawana wengine o semana mi bwana sawana wengine semana mile o sawana wengine semana mi bwana sawana wengine ni bariki leo ni bariki nami sawa na wengine ni bariki nami sawa na wengine miokoe nami sawa na wengine miokoe nami sawa na wengine baba tunashukuru Père, nous te rendons grâce. Kwani yote metoka kwako na kwa ajili yako. Parce que tout vient de toi et pour toi. Pokea sifa na heshima katika mkutano huu. Reçois l'honneur et la gloire venant de cet ensemble. Kubali tena tupate neno la uzima kutoka kwako. Fais que nous ayons une parole de vie venant Ulituma de toi. Ulituma neno lako likawaokoa. Tu as envoyé ta parole les neno lako lituokoe. Que ta parole nous katika sauve. Jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu. Nous rendons grâce à Dieu. Anayetupa maisha. Lui qui nous donne la vie. Tunashukuru mzazi wetu anayeendelea kututunza katika kazi ya Mungu. Merci à notre papa qui continue à nous encadrer dans l'œuvre de Dieu. Na tunawashukuru nyinyi wote ambaye mnaendelea kupenda nyumba ya Mungu. Merci à chacun de nous qui continue à aimer la maison Daoud de Dieu. Alisema nalifurahi waliponiambia niende nyumbani mwa Bwana. David a dit j'étais content quand on m'invitait à aller dans la maison de Dieu. Kuna mama ambaye alipenda nyumba ya Mungu. Il y a une maman qui a aimé la maison de Dieu. Na shetani alimunyonga miaka 18. Le diable l'a terrorisé pendant beaucoup d'années. Na huyu mama hakukimbia nyumba ya Mungu. Cette maman n'a pas fui la maison Siku de Dieu. Siku moja. Un jour. Bwana Yesu. Le Seigneur Jésus. Katika nyumba lake. Dans la maison de Dieu. Akaamuru ufungulifu wa ule mama. A décidé la délivrance de cette maison. Asubuhi ya leo pokea toka Yesu ufungulifu Ce matin, reçois ta délivrance Yesu. Au nom de Jésus. Kwa sababu umependa makao ya nyumba Parce ya Mungu. Que tu aimes la maison de Dieu. Na nyumba ni ya Mungu. Cette maison appartient à na Jésus. Wewe ni wa Mungu. Et toi, tu appartiens Acha à Bwana Dieu. Akutane na wewe. Lorsque le Seigneur te rencontre, Acha Bwana akutane na maadui zako. Que le Seigneur rencontre tes ennemis. Acha Bwana akutane na milima yako. Que le Seigneur affronte tes montagnes. Farao alionea Israeli. Pharaon a meurtri Israël pendant Lakini longtemps. Mungu wa Israeli alifunyanga Pharaon. Mais le Dieu d'Israël a piétiné Pharaon. Wewe una Mungu mkubwa. Tu as un Dieu grand. Ambaye anaweza kusimama upande wako. Capable de se lever de ton côté. Ambaye anaweza kushambulia maadui wako. Capable d'affronter tes ennemis. Ambaye anaweza kukuwezesha na kukusaidia. Capable de t'accorder la victoire et de t'aider. Usijione mzaifu. Ne te vois pas comme faible. Una Mungu mwenye nguvu. Tu as un Dieu puissant. Usijione maskini. Ne te vois pas pauvre. Una nguvu mtajiri, una Mungu mtajiri. Tu as un Dieu riche. Asubuhi ya leo pokea neema. Ce matin reçois la grâce. Ambaye anabadilisha maisha yako. Qui change ta vie. Pokea neema asubuhi ya leo. Reçois la grâce ce matin. Ambaye anabadilisha maisha yako. Qui change ta vie. Kwa sababu umekutana na Mungu. Parce que tu as rencontré ce na Dieu. Na umependa kukutana naye. Et tu désires le rencontrer. Na usichoke kuja nyumbani mwa Mungu. Ne te fatigue pas de venir dans, dans la maison de Dieu. Ndio maana tuko nazungumzia le zèle de ta maison. C'est pour cette raison que nous parlons du thème le zèle de ta maison me dévore. Et c'est là que nous allons marteler encore ce matin. Asubuhi ya leo tunataka kusema kichwa kidogo chini ya hiyo kichwa kubwa. Nous voulons aborder un sous-thème. Kuelewa vizuri neno hili zèle de ta maison. Bien comprendre le substance zèle. Sisi wanadamu. Nous les humains. Kila chochote tunachokielewa vizuri. Tout ce que nous comprenons bien. Nous les respectons. Nous les considérons. Mais lorsque nous ne comprenons pas bien, nous pouvons mépriser ce qui pouvait nous aider. C'est pourquoi le mot zèle de ta maison, nous ne pouvons pas le négliger. Si l'Esprit continue à insister, il sait le défi qu'il y a quand on n'a pas le zèle. L'église qui perd son zèle. Lorsqu'un chrétien perd son zèle, il perd autant de bénédictions lui appartenant. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas réaliser si tu n'as pas le zèle. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas attraper si tu n'as pas le zèle. Eliezer a pata faillite. Eliezer a reçu le profit de la, du zèle de la maison de Dieu. Il a obtenu une alliance via son zèle. Et cela a amené toute sa famille dans la lignée des sacrificateurs. Dieu a pris la sacrificateur, la sacrificature à la maison d'Élie. Le zèle de Eliezer l'a mené à recevoir, à hériter ce que d'autres ont perdu. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas mépriser les zèles. C'est pourquoi j'aimerais que nous comprenions efficacement ces mots. Nous voulons lire Tite 1:14. Nous voulons voir trois causes qui ont poussé Jésus à mourir pour nous. Le sacrifice de la mort de Jésus. Il y a un objectif qui est de faire le visé qu'à ce que nous soyons ces gens qui ont les ailes. Tout a un objectif tatu katika sababu ya kufa kwa Yesu. Nous allons voir trois causes qui ont poussé Jésus à mourir. Na tutasimamia kwa ile objectif ya tatu ambao ndio theme ambao tuko ndani sasa. Et nous allons marteler sur la troisième cause. Tunasoma Tite chapitre 2 verset 11 à 14. Nous nous focalisons beaucoup plus au verset 14. Mais je te relève visuel, tu n'as pas les yeux. Mais nous commençons là-dessus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, maintenant tu n'as pas Samuel et Bitutatu, trois raisons à Koufa kwa Yesu. Trois raisons qui ont poussé Jésus à mourir. Jésus s'est donné lui-même pour nous. Yesu amejitoa wa mwenyewe kwa ajili yetu. Afin de nous racheter de toute iniquité, première raison à Koufa kwa Yesu. Jambo la kwanza ili kwamba tuokoe toka zambi zote. Yesu amejilivre ku msalaba jua tuokoe kutoka uzalimu wote. Jésus s'est livré à la croix pour nous sauver de toute forme d'iniquité. Bila Yesu kujitoa hakunge kuwa moyo wetu hapa. Si Jésus n'allait pas se livrer, personne parmi nous ne serait sauvé. Nous étions tous esclaves du péché. Notre destinée était condamnée au châtiment éternel. Personne n'allait hériter la vie éternelle parce que nous étions condamnés déjà. Jésus s'est sacrifié afin de finir la question de l'iniquité. L'iniquité a fait de nous des esclaves. Les esclaves du diable. Les esclaves de ce monde. Les esclaves de la maladie. Les esclaves des malédictions. Jésus est venu nous sauver. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. C'est pourquoi Petro Akwanza, Moja Kuminamnane. année. Inasema ni kwa njia hatukukombolewa kwa pesa. Dieu que nous n'avons pas été sauvés par l'argent. Lakini kwa damu ya Yesu Kristo. Mais par le sang de Jésus. Bei ya ukombozi wetu. Le prix de notre salut. Bei ya kukombolewa kwetu. Le prix de notre salut. Pour que tutoke muze esclavagisme du péché. Pour que nous quittions dans l'esclavage. Pour que tutoke mu domination du péché. Pour que nous quittions, nous soyons sauvés de la domination. Ni damu ya Yesu. C'est le sang de Jésus. Ni damu ya Yesu. Le sang de Jésus. Na hii damu njo enye Yesu alibebea baba yake. C'est ce sang que Jésus a apporté à son pour père. Pour que tupoke justice. Afin que nous héritions la justice de Dieu. Pour que tuitwe leo watoto wa Mungu. Afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Sababu ya kwanza ya kufa kwa Yesu tunaipata pale. La cause de la mort de Jésus c'est là. Kutu rachete. Nous racheter. Kutoka iniquité. Zote. Nous racheter de l'iniquité. Pale tunapata maneno mbili, régénération na sanctification. Là, il y a deux mots, la régénération et la sanctification. Mulipita kule ku classe ya orientation, mumepata ile ba explication ya ile maneno yote, mumissing. Batoto wenyewe mlipita ku classe d'orientation muko hapa. Les archons qui sont placés dans la classe d'orientation. Régénération. La régénération, vous allez m'oublier. Simuna yelewa vizuri. Si ba metia mkazo kule ku classe. Là, on vous a beaucoup enseigné. Tu ya régénération. Kuzali wa upya. Tu ya sanctification. Utakaso. Sasa tunakamata neno la pili. La deuxième parole. Pourquoi Jésus s'est livré à la croix? Kwa nini Yesu amejitoa msalabani? Sababu ya pili. Deuxième cause. Ni ili tukue watu wake. Pour que nous soyons ces hommes et ces femmes. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Ili kwamba jifanyie watu walio wake mwenyewe. Nikutaka kusema nini? Cela veut dire quoi? Sisi hatuko tena n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tukamate mfano wenyewe tunaishi nao kila siku. Regardez l'exemple comment nous vivons. Mwanamke bamemupania mali. On donne la dot pour une femme. Huyu mwanamke haiko tena mali ya cette femme n'appartient désormais pas à sa famille. Anakuwa bibi ya. Quand elle est dotée et devient la femme anabebaka jina ya bwana. C'est pourquoi la femme porte le nom de son mari. Sababu haiko tena mali ya ukule. Parce qu'elle n'est mali ya bwana yake. Elle n'est pas le trésor de sa famille, elle appartient à son wakati mari. Tumemaliza oa. Lorsque nous avons mina épousé. Sema sasa misi taishi tena Butembo. Je peux dire que je refuse de vivre à Butembo. Il y a 20 ans, nilikuwa naishi Butembo. Il y a 20 ans, j'étais à Butembo. Nani kasikia sauti nasema niende sasa Goma. Une voix m'a dit va à Goma. Na mimi sikuacha bibi yangu. Je vais pas laisser ma femme. Sababu haiko tena mali ya jamaa yake. Parce qu'elle n'est pas un trésor pour sasa sa famille. Sasa ni wangu. Elle m'appartient. Na leo niko naye hapa. Et je suis avec elle ici. Pasteur Stone wakati ulienda Kinshasa ulienda na Rosette. Le reverend Stone ulipita quand tu es parti Kindu à Kinshasa. Rosette. Tu étais avec maman unakuya Rosette. Unakuya Butembo unakuya na Rosette. A Butembo tu étais là mali avec yako. Elle. Parce que c'est ton trésor. Ni wako. Elle est à toi. Baki mutona banasema huyu ni bibi ya. Lorsqu'on la voit, on l'identifie à l'homme. Kanisa. Et nous, Église, hatuko tena mali ya dunia. Nous ne sommes pas un trésor du mali monde. Ya bakoko. Nous ne sommes pas un trésor de nos aïeux. Mali ya yoyote yule. Nous ne sommes pas un trésor si, de qui que ce soit. Tuna appartenir kwa Christ. Nous appartenons à Christ. 1 Corinthiens 6, 20. Wa Korinto wa kwanza 6, 20. Usome vizuri lile neno ambalo linasemeka hapo. 1 Corinthiens 6, 20. Inasema hivi. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? Votre Adieu. Esprit et votre corps appartiennent à qui? Roho na mwili wako ni wanani? Wewe mu Kristo gizu na ikala umu mwili yako roho yako ni ya nani? Tel que tu es, ton corps et ton âme appartient à qui? Ah, ndikusema ile mwili hauna besoin ya kuipeleka fasi yote. Ce corps, tu ne peux pas l'amener n'importe où. Sababu ile mwili haikuwake yako. Parce que ce corps n'est pas à toi. Est-ce que tunasikilizana? Ile mwili yako haikuwake yako. Ce corps que tu portes n'est roho pas à toi. Yako haikuwake yako. Ton esprit ne t'appartient ah, pas. Ah, ezan zoto nangai. Ni mwili yangu. Nakosala nango ndenge na lingi. Nani anakudanganya ignorance? Qui t'a menti? Ça, c'est l'ignorance. Soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Soit tu es épouse de quelqu'un ou non. Depuis que tu es sauvé, ton esprit appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Toi, tu n'es que le gérant. Toi, tu n'es que le gestionnaire. Tel que je suis. Je suis le gestionnaire juste de ce corps. Le propriétaire, c'est qui? Le propriétaire de mon âme, c'est qui? C'est pourquoi je dois le glorifier. Parce que je lui appartiens. La deuxième parole. Nous ne sommes pas un trésor propre à nous. Nous ne sommes pas un trésor de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons à Dieu. La troisième parole, et c'est là où nous allons marteler. Titre. Il est écrit. Le Seigneur s'est donné. Ili atufanye tuwe watu walio zele pour de bonnes œuvres. Ili kwamba tuwe watu walio na bidii kwenye matendo mazuri. Yesu alitafuta alitoa maisha yake. Jésus a sacrifié sa vie. Ajipatie batu pour avoir des gens. Benye biko na bidii, benye biko na zele. Qui ont le zèle. Benye biko na zèle pour les bonnes œuvres. Afin qu'il ait des gens qui ont le zèle pour des bonnes œuvres. Tunaweza kuwa sasa zélé. Nous pouvons être zélé. Sisi natire yetu ni zèle pour les bonnes œuvres. La nature d'un enfant de Dieu, c'est être zélé pour des bonnes œuvres. Kawaida ya mtoto wa Mungu ni kukua zélé pour les bonnes œuvres. La nature d'un enfant de Dieu, c'est d'être zélé pour des œuvres qui sont bonnes. Tunaweza ona accès kukua zélé ku nyumba ya Mungu. Nous pouvons avoir le zèle dans la maison de Dieu. Kukua zélé ku mambo ya royaume ya Mungu. Nous pouvons être zélé dans les affaires du royaume na de Dieu. Na kazalika. Et consort. Hivi ni kusema sasa hivi. Cela veut dire quoi? Kukuwa na zele njo maisha ya kawaida ya mtoto wa Mungu. Être porteur de zèle, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Na hii zèle, ces zèles dont nous parlons, ni kusema enthousiasme, c'est l'enthousiasme. Ni kusema ardeur, cela veut dire l'ardeur. Ni kusema biote benye tumeitwa kufanya kwa jina ya Mungu. Tout ce que nous sommes appelés à faire pour Dieu. Tubifanye na bidii. Faisons-le avec ardeur. Tubifanye na roho nzuri. Faisons-le de bon cœur. Kama wenye kubifanya kwa ajili ya Kristo. Comme le faisant pour Christ. Kama benye kufanya ya matendo ya mapendo kwa ajili ya jina lake. Comme le faisant pour le nom de Jésus. Kama benye kubifanya kwa utukufu wa jina lake. Comme le faisant pour la gloire de son nom. C'est pourquoi nous sommes appelés à être un peuple zélé. Ndio maana tumeitwa kuwa taifa la bidii. Na hii ndio iliacha Yesu anakufa. C'est ce qui a poussé Jésus à mourir. Kuna sababu ambazo zinaweza kutusukuma kukuwa na zèle. Il y a des choses qui peuvent nous pousser à avoir du zèle. Sababu kubwa ya kwanza. La première grande cause. Bien-aimé. Mukristo pasipo zèle, gizi nilianza kusema. Un chrétien sans zèle. Anafanana. Est semblable. Tunaweza kuona mfano wake ndani ya 2 Rois. Voyons son exemple dans 2 Rois. Mfano ya mukristo ambaye amepoteza zèle. L'exemple d'un chrétien qui n'a pas de zèle. Tunaipata katika 2 Rois chapitre 6. Mupermettre tuisome pamoja 1 à 6. Voyons l'exemple d'un chrétien qui a perdu les ailes. L'exemple d'une église qui a perdu les ailes. Si na mambo mingi ya kukueleza tusome hapa utaweza kuelewa vizuri hapa kwa hii test. Karibu. 2 Rois chapitre 6 verset 1 à 6. Le fils des prophètes dirent à Élisée: voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprêté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-les, et il avança la main et le prit. Amen. C'est l'histoire des enfants des prophètes. Leur lieu d'habitation est devenu étroite. Il fallait qu'ils puissent élargir. Il fallait qu'ils aménagent là où ils devaient vivre. Ils avaient un bon projet. Ils ont voulu réaliser leur rêve. Une chose les a aidés à accomplir leurs rêves. Lorsqu'ils ont commencé là où ils sont arrivés là où il y a des arbres. Ils commencèrent à abattre les arbres qui devaient les aider. Une chose est arrivée. Peut-être c'est possible que cela t'est arrivé également. La Bible dit que la hache qu'ils utilisaient est tombé dans l'eau. Comment vas-tu couper les arbres sans cet outil? Oui, tu as la bonne volonté. Oui, le champ est là, rempli d'arbres. L'instrument qui coupe les arbres est tombé dans l'eau. Et ça, c'est le symbole du zèle. Lorsque nous perdons ces ailes, quand ça sort dans nos cœurs, quand les choses de Dieu deviennent mécaniques, lorsque pour aller adorer, il faut forcer les choses, lorsque nous devenons des gens qu'on pousse toujours, tu ne pries pas si tu n'es pas poussé, tu ne lis pas la Bible, tu ne remplis pas tes devoirs, tu sens que les choses de Dieu deviennent difficiles, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est perdu. L'église d'aujourd'hui, l'église de notre génération, s'il y a ce que nous devrions rechercher avec ardeur, c'est le zèle. Quand tu lis la Bible, quand tu vois d'autres comment ils se sont donnés, la Bible, quand elle parle de l'histoire du temple, la Bible dit que ces gens étaient assidus. Ils allaient au temple au moment convenable. Ils avaient l'ardeur. Ces gens ont perdu leur hache. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, ils se sont et le prophète a compris les requêtes. Que le Seigneur nous aide, Église. Sans le zèle, les œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous, tu ne pourras pas y arriver. Parce qu'il faut que tu aies une force qui te pousse au-dedans. La prière sans le zèle, ça ne va pas réussir. Un deuxième exemple des chrétiens qui ont perdu les ailes. 1 Samuel chapitre 17. Dans 1 Samuel 17e chapitre. David vient au champ de bataille. Il trouve une armée bien formée. Dans le découragement, mais cette armée est abattue. Ils étaient devenus incapables d'accomplir leur tâche. Le soldat n'est pas soldat parce qu'il est appelé soldat. Un soldat, c'est lorsqu'il exerce sa mission. Si tu n'exerces pas ta mission de soldat, en quoi tu l'es? Tu ne seras que militaire par le nom. Nombreux se satisfait d'avoir juste les noms. Ah, le prophète Balikatala. Ces prophètes ont refusé. Nous ne pouvons pas rester prophètes des noms. Nous voulons récupérer notre hache. Et David a retrouvé une armée qui ne se battait pas. Une armée pleine de découragement. Une armée qui a perdu les ailes. L'ennemi était en face d'eux, mais il ne l'affrontait pas. Combien de fois l'ennemi tournait circuler facilement mon manyumba et tout. La plupart des fois, nous avons laissé les ennemis dans nos maisons. Parce que nous refusons de les combattre. Nous n'avons pas les ailes pour les combattre. Nous avons prié à Goma. L'armée fuyait. Nos chars de combat fuyaient à ciel ouvert. Il fouillait. Banavala mabotini aba armée na kimbia na char de combat. L'armée fouillait sur la char de combat. Civil. Et ils ont abandonné les civils. Vraiment confusion. Quelle confusion. Sababu kama uko jeshi. Si tu es une armée. Hauwezi kukimbia kwenye population ingali. Un militaire ne fuit pas là où il y a la population. Kama vile uko capitaine ya bateau. C'est comme toi tu es capitaine Muliona du bateau. Muliona film ya Titanic. Le film de Titanic. Bateau ikaanza zama. Le bateau commençait à chavirer. Bateau wa mwisho. Toi, tu quittes le terrier dans le bateau. Toka. Tout le monde sort d'abord. Ya wale ba marin. Ça, c'est le tic marine. Tu ne peux pas te sauver. Toi, lakini tu dois sauver les autres. Zele haiko, mais quand tu n'es pas zélé, unashindwa kuremplir mission. Tu ne vas pas remplir ta sababu mission. Kuvu ya ndani ya kusukuma haiko. L'ardeur intérieure qui te pousse à agir n'est pas enthousiasme là. Haiko. Il n'y a pas d'enthousiasme. Il y a nguvu ya kukuambia fanya hii ni mapasho yako. Cette force intérieure qui te pousse à agir n'est pas là. C'est comme cette hache qui est tombée. Lorsque Jésus est entré au temple, il a dit le zèle de ta maison me dévore. Jésus avait une cause. Essayons de comprendre les causes qui ont poussé Jésus. Ça peut nous aider. Kuweza kutafuta tena zele ya nyumba ya Mungu. À rechercher le zèle dans la maison zele de Dieu. Zele ya ile mabone zèvre Mungu alituumbia. Le zèle pour les bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés. Tunaona ndani ya Jean chapitre 9. Dans Jean le 9e chapitre. Tunaona hapo sababu zenye zilimsukuma Yesu kukuwa zèle kwa nyumba ya Mungu. Nous avons vu, nous allons voir quelques causes qui ont poussé Jésus à être zéleux pour la maison de Dieu. Tunaona même wakati wa Élie. C'était au temps d'Élie. Élie n'était pas le seul prophète. Il y a quoi nabi mpeke. En son temps. Mais différence ya Élie na bengine ba prophète et quoi zèle ya Élie. Entre Élie et d'autres prophètes. Élie na sema j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Élie na sema ni me achabidi zangu kwa ajili ya Bwana. Élie anaambia Mungu je suis resté le seul. Élie anapoambia Mungu nimebaki peke yangu. Mungu anamwambia hapana tu n'es pas le seul. Dieu lui dit il y a encore 7000. Kuna wengine 7000. Mais qui ne sont plus zélés. Lakini hawana bidii. Balisha fitama. Ils se sont cachés. Ils ne veulent pas affronter la bataille. Ils ne veulent pas être là où ils travaillent. Ils se sont cachés. Comme la plupart d'entre nous. Comme a vu le Wengi Maliapa. Tous ya Mungu. Nous avons fui la bataille, le champ de bataille. On a perdu la zèle. Quelque part. Nous sommes cachés quelque part. Ya Mungu ni l'œuvre de Dieu c'est pour ces gens. L'œuvre de Dieu c'est pour cet homme. C'est celui-là qui Kuimba va fuir. C'est celui-là qui va chanter. Ni c'est celui-là qui va prier. Qu'ils partent. Tu dois faire partie également. Nous allons comprendre. Il y a des choses que toi seul tu dois faire. Si tu ne le fais pas, rien ne sera fait. Dieu veut que tu fasses ce que tu es censé faire. Jean chapitre 9 verset 4. Yohana kenda ine. Tout ce qui est connu, il quoi? Ilikuwa motivation, ilikuwa zèle ya Yesu Kristo. Écoutez là où était focalisé le zèle de Jésus. Jésus anasema hivi. Yesu anasema. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Inabidi nitende kabla ingali mchana. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Matendo ya yule aliyenituma. Yesu alijua. Jésus a su. Iko tu na 3 ans. Qu'il n'a que 3 ans. Ya ministère. 3 ans pour exercer son ministère. Après quoi? Après ce temps, la nuit va venir. Usiku utakuja. On va le sacrifier. C'est aujourd'hui que je dois accomplir ce que je suis censé faire. Ce qui nous bloque dans nos ailes. Notre compréhension. Nous pensons que nous avons l'éternité devant nous. Nous pensons que nous avons assez de temps. Surtout nous, Congolais. Même dans la maison de Dieu, il n'y a pas de zèle. Même travailler pour le pays, il n'y a pas de zèle. Même dans nos familles, il n'y a pas de zèle. Le touche. Le travail que nous exécutons sans zèle n'a pas la touche de l'excellence. Quand tu pries avec zèle, il y a la touche d'excellence. Dans Romains chapitre 12. Dans Romains 12 chapitre. Qu'est-ce que c'est qui préside les faces avec zèle? La Bible dit wanaofanya kazi waifanye na bidii. Qu'est-ce qui chante les faces avec zèle? Wanaoimba waimbe na bidii. Qu'est-ce qui prêche les faces avec zèle? Wanaubiri waubiri na bidii. Yote tutafanyia Mungu, Mungu anataka bidii. Tout ce que nous faisons pour Dieu, faisons-le avec zèle. Et que ça vienne du fond de nous. Jésus dit, il faut que je fasse. Inabidi nifanye. Yesu alijua j'ai seulement 3 ans ya kuaccomplir bidii mimi napaswa kuaccomplir. Jésus savait qu'il n'a que 3 ans pour accomplir sa mission. Ni prudie sasa kwetu. Toi tu penses que tu as combien? Wewe unazani una wakati gani? Selon toi tu as combien? Unawazia kwamba una siku ngapi, miaka ngapi mbele yako? Kwa kuaccomplir bidii Mungu anangoya uaccomplir. Ili kwamba utimize mpango ya Mungu. Donc unaweza kufanya avec paresse. Tu peux exercer aujourd'hui avec nonchalance. Tu le fais demain. Tu as combien de temps devant toi pour accomplir ta mission? Au 13e verset. Même les jours de sabbat. À ta sécurité sabbat. Jésus travaillait toujours. Yesu alitumika. Dieu lui a dit, je dois racheter seulement 3 ans. Alijua ni gomboi wakati. Je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Chacun de nous ici a été envoyé sur cette terre pour les bonnes œuvres que toi tu dois accomplir pendant qu'il est encore aujourd'hui. Parce que deuxième étape est la deuxième étape de chaque homme. C'est ce qu'il dit. La nuit vient. Où personne ne pourra travailler. Chacun de nous a ses deux saisons. Où jour. Tu as le jour. Tu as la lumière de la parole de Dieu. Tu as la lumière de la parole de Dieu. Lumière et présence de Jésus. Tu as la lumière de la présence de Jésus. La lumière et parole de Dieu. Tu as la lumière de la parole de Dieu. Tu peux maximiser ton temps de jour pour faire ce que tu es appelé à faire. Si tu n'accomplis pas tes devoirs aujourd'hui. Si tu rates tes ailes d'accomplir ta mission. La deuxième étape est à verser. Écoute la deuxième étape. La nuit va te surprendre. Usiku utakushtukia ghafla. La nuit est en train de surprendre plusieurs d'entre nous même. Usiku unashtukia wengi. Même au mon église. Atapa kanisa. Giza ilishakamata wengi. La nuit a envahi nombreux. Habiko tena mu possibilité ya kufaire quoi que ce soit. Ils sont incapables d'agir avec Dieu. Toba le ba bien-aimé. Ce sont ses frères. Benye tuko tunabeba makao. Que nous allons enterrer. Ils devaient être des pasteurs. Ils n'ont pas eu les ailes pour faire ça. Ils devaient quelque chose pour le royaume de Dieu. Ils devaient faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Ils n'étaient pas zélés, ils n'ont rien compris. Jusqu'à ce que la nuit va les surprendre. Et nous l'amenons calmement. Nous l'enterrons. C'est pourquoi un écrivain dit, les cimetières sont les endroits les plus riches. Makaburi ni nafasi ya utajiri beaucoup de livres des cantiques non chantés sont là. Des prédications non prêchées sont là. Des entreprises non créées sont là. Je me souviens de la fille de Jephté. Nakumbuka binti wa Yefta. Elle peut se rendre compte qu'ils vont attaquer pour me sacrifier. Quand elle a réalisé qu'elle est destinée à être sacrifiée étant vierge. Akasema s'il te plaît papa. Elle a dit s'il te plaît mon père. Donne-moi un temps. Bien de nili et vous vikira yangu. D'aller plaire pour ma virginité. Elle dit, je vais vraiment être sacrifié comme ça étant vierge. Je t'ai créé pour être femme de quelqu'un. Je t'ai créé pour être mère de quelqu'un. Donne-moi le temps pour plaire pour ma virginité. Plusieurs entre nous, nombreux parmi nous, le sommet de la nuit va les surprendre. La nuit les surprendra. Et c'est le jour où tu vas commencer à regretter. Ces jours-là, autant à combien de fois tu as raté les réunions de l'église? Maranga, puis, combien de fois tu avais l'occasion de donner pour l'église? Maranga, tu avais l'occasion de prêcher quelqu'un? Tu avais l'occasion de faire les bonnes œuvres? Même dans ta famille? Même dans ta famille? Même dans ton quartier? Dans même pour lako. Ta nation? Dieu taïfa lako. Combien on va Nous allons enterrer beaucoup de ministres ici. Ils ont perdu leur temps pour servir le pays. Le temps est passé. Daniel, chapitre 16, Daniel, Luca, 16. L'histoire d'un homme riche. Lorsqu'il était vivant, n'a rien compris, il n'a pas compris rien fait. N'a pas été zélé pour son Dieu. À quoi on a bidi, Jusqu'à ce qu'il maintenant, est mort. Quand tu l'étais mort, la nuit est venue. Il a fait trois choses. Pour ses frères qui sont encore il commença à intercéder pour ses frères qui vivaient. Si tu veux prier pour le salut de ta famille, la nuit c'est est maintenant. En train de venir. La nuit approche. Où tu ne sauras même plus prier. Deuxième des choses. Il a évangélisé sa famille. Déjà coulé. Ça ne sera pas possible. Il y a les pasteurs Stone qui sont en train de se poumoner, en le train de prêcher Stone tes frères. Ils sont là, ils prêchent. Si tu voulais qu'il soit sauvé, tu allais le prêcher quand il était jour. Vous qui êtes jeunes, vous la gaspillez dans quoi? Votre vigueur, vous l'exploitez comment? Jusqu'à ce que la nuit va vous surprendre. Il arrivera un temps où la nuit vous arrive. Mais Léo Mungu na Twitter. Aujourd'hui, Dieu nous invite. Bien-aimé, tout reprendre zèle. Reprenons. Il y a beaucoup de choses. Qu'on a vite vu. Kenya itafanyika tu na sisi. Si seulement nous sommes zélés. Il y a beaucoup de choses que nous ne ferons que nous seuls si nous sommes zélés. Si nous n'avons plus ces zèles-là, tout à quoi tout va prophète et tout ce que parle n'a tout na chuma. Nous serons des prophètes des noms sans pour tout autant tout avoir Christ le fer avec nous. Na chuma. Nous serons des chrétiens sans tout à quoi l'outil militaire nécessaire. Ben combattre quoi que ce soit. Nous serons des militaires incapables de combattre. Imaginez que tout quoi ben militaire ben combattre qui que ce soit. Imaginez que nous soyons juste des militaires des noms sans combien puissance de démons vont circuler dans nos familles. Combien de démons vont circuler librement dans notre nation? Combien de démons vont circuler même ici à l'église? Mais chacun de nous va prendre son coin. En ayant une sécurité, on a dit c'est qui m'a donné ma démon. Parce qu'on a perdu les ailes. La parole ce matin. La parole que Dieu poursuit ce matin. Les bien-aimés ont demandé à Dieu. Ces gens ont demandé à Dieu. Pour reprendre, il est choqué. On demandait au prophète. Reprenons notre hache. Parce que si nous allons abattre les arbres, c'est avec ces outils. Ton zèle. Dieu t'a fait la vie. C'est ce qui accomplira Romains les exploits. Romains 12, 11, tu m'as dit de parler. Warumi 12, 11. On va finir par là. Avant de prier, Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Apana uzembe. Adui ya zèle ni paresse. L'ennemi du zèle, c'est la paresse. Adui ya zèle ni négligence. L'ennemi du zèle, c'est la négligence. Adui ya zèle ni indifférence. L'ennemi du zèle, c'est l'indifférence. Adui ya zèle ni ignorance. L'ennemi du zèle, c'est l'ignorance. Bien-aimé, hakuna paresse naweza kuzala kitu kizuri. Aucune paresse ne produit quelque chose de bon. Bénéficier kitu kizuri. Un paresseux ne peut pas hériter quelque chose de même bon. Pour toi-même, hauta bénéficier na juu yako wewe mwenyewe. Même toi seul, même tu n'auras pas ce qui ne va rien bénéficier. Même ta famille n'aura rien de spécial. Jeune fille mounyumba. Regardez une jeune fille dans paresseuse. La maison qui a de la paresse. Baba. Eba mama. Atama saani ya kusukula ata isukula basi. Même quand il y a des assiettes à laver. Mtafaidika na présence yake. Et ne va rien faire. Akisha tia tuti lo anatia na kila kitu anatengeneza nywele pour yeye binaisha hivi. Lorsqu'elle a fait le make-up, c'est fini pour elle. Or kama kota jeune, si tu es jeune, njoma na nda éviter ba jeune ku réunion ya ba papa ya samedi pasteur. mardi et samedi. C'est pourquoi j'invite tous les jeunes garçons à la réunion des papas mardi et samedi. Sagesse, venez puiser la sagesse. Il y a quoi déjà pour exploiter jeunesse et nous. Ça nous permettra de commencer à bien exploiter la jeunesse. N'attends pas la vieillesse. Pour que tu te réveilles. On doit être zélé pour les bonnes œuvres à partir de maintenant. Nous devons avoir du zèle pour des bonnes choses à partir dans d'aujourd'hui. La maison de Dieu. Dans la maison de et Dieu. Et même dans d'autres secteurs de la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu atusikilie huruma. Que le Seigneur ait pitié de nous. Kila moya na moya wetu apate tena kureprendre ile zèle ya kenye lipotea. Que chacun de nous puisse ressaisir le zèle qui est perdu. Paul akaambia kanisa ya Galate. Paul dit à l'église de Galate. Vous couriez bien. Mulikuwa na kimbia vizuri. Qui vous a ensorcelé? Nani aliwaloga? Mungu angetusaidia tuangalie ni vitu gani vimebiba zele yetu. Que Dieu nous aide à repérer ce qui a tué nos zèles. Leo tu mnapenda kusema tuombe. Nous allons prier. Takualika papa ukuye utuombeshe. Je vais inviter papa à nous conduire. Pour que Mungu atusaidie. Afin que Dieu nous aide. Na mimi anisaidie. Qu'il m'aide. Kila moyo wetu à reprendre, à retrouver zèle de les zèles, les bonnes œuvres ont besoin de ta ya zèle yako. Que chacun de nous retrouve les zèles. Munajua siku yetu ya kutoka ku dunia. Le jour où nous mourons, c'est les bonnes œuvres qui vont nous suivre. Matendo mazuri et tout ce qui mais matendo mengine yatabaki. Hii vingine vyote vitabakia. Bituruturu yote tabaki. Lakini les bonnes œuvres, matendo mazuri, ils vont nous suivre. Itafuatana nasi. Dieu nous bénisse. Hebu Bwana atubariki. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le temps est court. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez l'Éternel. Les raisons qui ont expliqué le zèle de Christ, nous les avons vues. Et sans elle, nous allons nulle part. Nous sommes dans une impasse. Sans elle, nous serons misérables dans cette vie, mais aussi dans la vie éternelle. Sans elle, nous sommes rien et nous sommes nulle part. Nous serons mendiants sans elle. Nous voulons prier, mon frère, ma soeur. Lorsque la hanche est tombée dans l'eau, ils ont appelé les vieux. Le prophète, il a fait surnager, il a fait remettre à surface la hanche qui était noyée et qui était en train de faire le travail. Ton zèle est perdu, ton zèle a noyé, tu es devenu plat, ton cœur est plat. Tu veux dire avec moi, Seigneur, ramène à surface mon zèle. Prions le Seigneur. Ramène mon zèle à surface. Fais resurnager mon zèle, Seigneur. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle de ta maison, Seigneur. Rallume ton zèle dans mon cœur, oh Dieu. Quelqu'un prie le Seigneur, parle avec Dieu. Ton zèle pour l'œuvre de Dieu, ton zèle pour aller à l'église, ton zèle pour prier, ton zèle pour éduquer tes enfants, ton zèle pour faire le ministère, ton zèle pour servir Dieu même. Ton zèle pour l'évangélisation, pour les âmes perdues. Ton zèle, Seigneur, fais surnager mon zèle. Je courais bien hier. Qui m'a ensorcelé? Après avoir commencé par l'esprit, pourquoi je vais finir dans la chair. Aujourd'hui, c'est les ailes de l'ombre et de la mort qui t'animent. C'est les ailes de la prostitution qui t'animent. C'est les ailes du péché qui t'animent. Tu as remplacé les ailes amères. Quelque part là, Dieu, il faut que ça change. Levons nos mains devant Dieu. Ensemble, nous allons prier ensemble. Prie avec moi et dites, Seigneur mon Dieu, mon zèle a noyé. Ce matin, je reviens à toi. Je viens recourir à toi. Je vais recourir à la prière et aux supplications. Je viens recourir au jeûne et la prière pour retrouver mon zèle perdu. Touche mon cœur, Seigneur. Touche mon cœur, Jésus. Je ne veux pas rester comme ça. Je veux remonter, Seigneur. Je veux repartir, Seigneur, avec les nouvelles bases aujourd'hui. Oh Dieu, touche mon cœur. Touche mon cœur, Seigneur. Oh Dieu, il y a des œuvres de ma destinée. Il y a des œuvres de mon temps que je dois accomplir. Oh mon Dieu, réchauffe mon cœur. Réchauffe mon cœur. Réchauffe mon cœur et ramène-moi dans l'action. Ramène-moi dans ta parole. Ramène-moi dans la prière. Ramène-moi dans ta maison. Ramène-moi dans ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Réchauffe mon zèle. J'aimerais que tu le dises toi-même. Vas-y, dis-le toi-même. Quelqu'un prie lui-même. Quelqu'un parle à Dieu lui-même. Tu dois changer. Quelque chose doit se réchauffer en toi. Quelque chose doit revenir. Retrouve ce que tu avais perdu. Tu courais bien. Tu courais bien. Au début de ta conversion, tu allais à l'église chaque jour. Tu filais dans les jeûnes et les prières. Tu cherchais Dieu partout. Tu étais comme un fou de Dieu. Aujourd'hui, tu as comme l'impression que ta chrétienté a vieilli. Tu as l'impression que ta vie spirituelle a vieilli. Ta relation avec Dieu est partie. Retourne au Seigneur. Retourne au Seigneur. Tu es revenu lourd. Tu es devenu lourd. Tu es devenu lourd pour prier. Tu es devenu lourd pour témoigner. Aujourd'hui, redeviens pépélé. Redeviens pépélé. Redeviens pépélé. Que tes ailes m'amènent. Que tes ailes m'amènent. Que tes ailes m'amènent. Que tes ailes me dévorent. Que tes ailes me dévorent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes ailes me dévorent, Seigneur. Père céleste, merci. Merci pour ta parole. Merci de toucher nos cœurs. Merci de nous révolutionner pour toi ce matin. Nous ne serons plus les mêmes, Seigneur. Marche avec nous au nom de Jésus. Amen. Grand roi, vêtu de fêle, mais le cœur des âmes sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. mon Jésus est plus noble que l'hélice royale, bien plus doux que rayon et soleil matinal. Il réchauffe mon cœur de me satisfaire. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix, que d'être un grand roi vêtu de fin lin. Mais le cœur des uns s'ennuie. J'aime mieux avoir Christ, elle est plus grand bien, elle est mon amour. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents. Qui dispose de toi, frère? Qui dispose de toi? Tu peux réfléchir. Qui dispose de toi? Qui est ce personnage? Qui est cet être qui, lorsqu'il s'approche de toi, il a le feu vert? Quand le péché s'approche de toi, il a le feu vert. Quand Jésus-Christ s'approche de toi, tu l'amortis un peu. Tu lui dis, attends un peu. Quand Dieu te demande des choses, tu lui dis, Seigneur, je comprends, mais donne-moi un peu de temps. Frères et sœurs, le temps est court. Si pas la mort, mais la trompette sonnera bientôt. Bientôt. Le temps est court. Nous devons nous hâter d'accomplir notre destinée. Nous ne devons pas permettre que quoi que ce soit nous empêche de réaliser tout ce que Dieu a prévu pour nous. Quelle fierté, quel bonheur que de partir au ciel lorsque tu as achevé. Quel malheur que de partir au ciel lorsque tu sais qu'il y avait encore des choses à faire. Quel malheur. Alléluia. Alléluia. Quelquefois même, nous sommes appelés à donner à Dieu sérieusement, parce que après, il est écrit, les cieux et la terre s'enfuirent devant sa face. Quand les cieux et la terre vont s'enfuir devant la face de Dieu, il va s'enfuir aussi avec nos comptes à banque. Il va s'enfuir avec nos investissements. Ce que nous allons conserver, c'est ce que nous aurions fait précéder dans notre compte céleste. C'est ça qui va subsister. Alléluia. Prions pour nos offrandes. Seigneur, merci. Nous te recommandons ces offrandes que nous t'avons données. Accepte-les, Seigneur. Agrée-les, Seigneur. C'est de tout notre cœur, Yahweh. Tu Tu as dit, tu aimes celui qui donne avec joie. Agrée nos offrandes et accepte-les, Père. Et je prie que tu bénisses chaque main qui a donné. Je prie, Seigneur Dieu, que tu bénisses le travail de nos mains selon les Écritures et menace les destructeurs et tous les renards qui détruisent les champs lorsqu'ils sont à fleurs. Seigneur, mais que ta rosée descende dans nos champs, que ta rosée descende dans nos greniers, que ta rosée descende dans nos entreprises. Donne des initiatives, donne la créativité. Enrichis-nous, Seigneur, dans les temps où nous vivons maintenant. Et donne-nous, ô Dieu, d'être utile pour ton royaume au plan financier. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.